pas mal. Je n'ajouterai pas un mot de plus, d'autant que pour se faire entendre ici, il vaut mieux hurler. Je vous laisse aux Rolling Stones. C'est chaud. Je veux remercier au fond de mon cœur.